En Corée du Sud, selon le journal d'Internet La Voix du Peuple, l'Association nationale des producteurs de riz et la Confédération nationale des sociétés des paysans ont tenu le 22 à Séoul un rassemblement pour le droit à l'existence des paysans et la démission du pouvoir de Park Geun-hye. Plus de 5000 paysans venus d'une quatre-vingtaine de régions sud-coréennes y ont participé.